Very Good Bad Movies, émission numéro 31 déjà, avec une émission spéciale, avec une invitée, avec un programme très chargé, avec trois films que l'on va commenter, que l'on va critiquer: Ocean 8, Hérédité et Désobéissance. Avec moi, d'abord, je vais présenter les chroniqueurs. À ma droite, puisque comme on a un peu déplacé cette jolie table à cause de la chaleur, autant qu'on se dise, donc il y a une nouvelle formation, entre guillemets. À ma droite, Ismaël, comment tu vas? Mal, comme d'habitude. Dépression, moi, angoisse, sueur froide. Hantise. Exactement. Oui, on le sait. Merci d'amener de la positive attitude. Ouais, c'est toujours un plaisir. Ismaël. Avec nous aussi, les acolytes. En fait, on dirait des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Les frères et sœurs. Je sais pas c'est qui la sœur. Ah, c'est tout de suite celui avec les cheveux longs. Sofiane et Guillaume, comment ça va les amis? Oh là là. Ça va super. Ouais. Et Guillaume, alors, c'est quoi les bails? Ça avance ou pas? Il y a une nouvelle émission? Il y a une émission qui est sortie en hors-série dimanche là. Ok. Et il y a déjà 350, je crois. 350 écoutes. Et ça, c'est grâce à nous. Eh bien, alors qu'on a été absent pendant 4 semaines, hein, ouais, juste parce qu'on est là. Merci. Ouais. D'accord. Bon, on répète, hein, c'est quoi les bails? C'est quoi les bails? Dispo sur SoundCloud, c'est ça? Ouais, un vendredi sur deux à 18h et ça parle de culture essentiellement, mais aussi de conneries. Voilà. Bah, parfait. Et avec nous, une nouvelle chroniqueuse. On l'a amenée ici en tant qu'invitée, et puis c'était mon cher Ismaël qui l'a présentée. Elle s'appelle Cam Dove, elle est réalisatrice, auteure aussi. Comment ça va? Très bien. Et pourquoi avoir dit oui à ma proposition de venir dans cette émission en tant que chroniqueuse? Parce que vous êtes sympa. Oh, c'est cool. C'est sympa. On n'a pas souvent des compliments. Non, ouais, très rarement. Mais j'ai remarqué, on est sur une tendance où tu recrutes les invités qu'on a, genre les 10 dernières émissions avant les vacances d'été. Non, mais ça, c'est énorme. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on va faire une émission spéciale la semaine prochaine où on va faire des questions sur l'année. Et j'imagine Sofiane Guillaume bah oui, dans la merde. Coup, non, en fait, en vrai, j'ai fait des questions par rapport aux personnes. D'habitude. Mais il y a un jeu, mais on va rigoler. Franchement, je te le dis, on va vraiment rigoler. Et au bout des 2 heures, on saura qui sera le meilleur chroniqueur. Non, mais vu ce que tu as prévu pour 2 heures, on aura le temps de tout faire. Et en plus, on aura assez de place dans la pièce parce qu'on va être nombreux la semaine prochaine. C'est parti. Okay. On peut tout faire ici. Avec nous, notre invitée. Elle s'appelle Colline. Colline JR. Elle est comédienne et polyvalente. Autant qu'on se dise. Alors, ton micro est juste à l'envers. Hop. Et comment ça va, Colline? Ça va. Ouais. Il fait un peu chaud. Ouais, ça j'y peux rien malheureusement. On n'a pas de clim ici. Bon, bah, on a grave. Très peu de moyens. Ça me va quand même. Et juste une question parce qu'on discutait un peu hors antenne de savoir vraiment dire ta profession. On peut dire que t'es vraiment polyvalente. T'es comédienne, modèle photo. Ouais. T'as plusieurs flashs à ton arc. Je suis modèle photo. Ce qu'on appelle modèle photo, c'est à la base tu fais de la photo pour le plaisir et tu gagnes pas d'argent avec. D'accord. À la base. Et puis on va juste on peut commencer déjà à lui poser des questions si ça vous dérange pas pour savoir un petit peu ce qu'elle a fait avant de venir ici. Pas dans la journée Ismaël, mais t'as pris quel métro? Mais comment ça s'est goupillé un peu ton avenir déjà adolescente? Est-ce que tu voulais devenir comédienne? Est-ce que tu voulais faire de la photo, du cinéma? Comment ça s'est goupillé tout ça? C'est vrai que tout commence à l'adolescence. Normalement, la passion. Classique. Oui, alors je ne sais pas si ça commençait à l'adolescence. Je n'ai pas trop de notion du temps. C'est tant mieux. Je pense que j'ai toujours été sensible à l'image avant d'être sensible à ma petite personne. Parce que j'ai un grand-père peintre, j'ai un père graphiste. Voilà, je suis un peu des parents curieux, une famille qui a beaucoup bougé. Dans des choses très simples, mais qui m'a toujours un peu... Voilà. Du coup, je me suis mis à la photo, moi, en tant que... Je faisais toutes les photos de famille derrière l'appareil. Et puis, c'est vrai que j'étais quand même toujours la clown de service qui était extravertie, qui tenait pas en place, et qui, du coup, prenait un peu beaucoup de place, beaucoup. D'accord. Et, on donc peut dire hyperactive ou pas? Un petit peu, mais... puis, grande sœur, donc, du pouvoir. Oui. La soif de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas du tout ça. C'est une question d'avoir des choses à exprimer, toujours des trucs à dire ou pas, et voilà, et se prendre des claques du coup, parce qu'on n'est pas toujours là pour t'écouter, et c'est normal. Donc c'est à quel moment où t'as pris la décision, tu t'es dit je veux être, on peut dire une artiste, on peut dire ça? Oui, je préfère artiste que comédienne, parce que je veux pas froisser quiconque, je n'ai pas fait d'école de comédie, donc déjà je peux pas, voilà. Après, je suis plutôt adepte de la... Alors j'avais un grand débat et on est à la radio, il faut jouer sur les mots et tout. La tourimachie, tu sais, le truc aucun rapport. Non, aucun rapport. Dans l'autodidacte, quelqu'un, artiste autodidacte. Et en fait, en discutant avec beaucoup de gens, tu te rends compte qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce cas-là et que tu te formes en faisant. Et moi, je suis plutôt une partisane de cette école-là qui est l'école de la vie. L'école de la vie. une vie qui mène à voilà, des rencontres, à des choses, et surtout à du concret et à des... Ouais. Et voilà, plutôt que la théorie, quoi. Moi, je me... voilà. J'ai fait des études. Pour te rassurer, quand même, tous les acteurs, on va dire français, 50 ans, 60 ans, ils ont tous fait ça. Hein. Il y en a quasiment 60%, ils ont fait des petits boulots, et puis après, ils n'ont pas fait d'école. C'était une autre époque. Je ne prends pas en Richard Perry, ils n'ont pas fait d'école, Arthur Junior non plus. Bah, parce qu'ils ont fait du théâtre aussi. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire, c'était pas institutionnalisé. Exactement. Mais c'est le cas pour beaucoup d'art, en final. Le dessin, moi, je le dis tout le temps, c'est en dessinant qu'on devient dessinateur. Sinon, tu vas jamais. Enfin, je sais que dans mon école, il y avait beaucoup de gens qui attendaient des recettes miracles, mais ils les ont jamais eues parce que ça n'existe pas. Il faut juste dessiner et se défoncer, et puis c'est comme ça que tu apprends à dessiner. Mais on attend quand même d'une institution quelque chose qui est censé te former. On attend, on a des attentes, des projections, et du coup, on a des déceptions forcément par rapport à ces recettes miracles, je pense, et surtout une question de légitimité. Et dans ces milieux-là, je trouve que c'est quand voilà, moi j'ai commencé pas du tout à l'adolescence, même si je me prenais déjà en selfie avec mon réflexe ridicule, je suis retombée sur les photos, ça fait pitié. Mais c'est bien, c'est une école. Mettra les liens. Voilà, bon dossier. Non, mais bon. Mais après, moi j'ai beaucoup d'amis aussi. Je pense qu'on a ce point commun là, c'est beaucoup d'amis qui ont fait des écoles de cinéma, de dessin, et puis ils disent bah en fait je me suis un ennuyé, deux j'ai pas de futur et ça m'a rien appris. Donc des mains, ça arrive aussi. Je vois des mains qui se lèvent. Oui, bah c'est mon cas. Tu viens de définir. L'avantage c'est que c'est un creuset aussi pour l'imagination. Tu croises des gens qui ont les mêmes délires que toi et tu fabriques. Pour créer des bancs, voilà. Ouais, c'est vrai. T'as pas tort. Donc t'es pas trop pour, mais c'est pas ton truc d'être dans une école et puis d'apprendre. Tu préfères apprendre toi-même. Bah, en fait, via les bouquins, via le fait d'essayer. Oui, alors déjà j'ai commencé par la photo et donc pas par le texte. Moi, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Sofiane, c'est qu'il y a un peu un grand fourre-tout, c'est l'artistique. Mais en dessous, enfin, il y a effectivement des domaines différents, donc là c'est facilement identifiable, mais dans la photo, et pour donc ce qui me concerne, modèle photo, j'ai même appris les termes après en fait avoir commencé à en faire, parce que je m'en fous des étiquettes en fait, je m'en fiche, moi je veux faire des choses, raconter des trucs, mais peu importe ce que tu me colles sur la tronche, ça m'intéresse sans m'intéresser quoi. Mais du coup, là par la photo, commencer à poser, c'est d'abord se poser la question de... Qu'est-ce que c'est ? T'es dans ton corps, en fait. Et donc, tout le travail sur le corps, il prend du temps. En plus, ton corps, il change, puisqu'on grandit. Je suis encore un petit bébé, mais qui grandit. Et du coup, donc t'as en fait un travail sur ce corps-là qui évolue, qui a envie de dire des choses différentes. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc après, par la photo, la vidéo. Et après, là je suis en train à peine de commencer à travailler la voix, le souffle, etc. Merci. Tout ce qui est autre chose, méditation et yoga. En fait, tout sert à tout. Et quand tu travailles ça, moi, c'est ce qui m'intéresse, quoi. La porosité, la danse, le mouvement. Je chante pas, mais ça pourrait. Enfin, et puis il y a les pieds nus, donc sur ton book, il y a beaucoup de. J'ai remarqué, enfin, toutes les vidéos qu'il y a, il y a pas de dialogue. En fait, tu fais jamais de lignes. Enfin, sur mon book là tu veux dire, j'ai pas entendu le début. Oui, c'est des pubs, parce c'est beaucoup fait, de j'ai pubs commencé... Et il n'y a pas de dialogue au final, parce qu'en fait j'ai commencé par la photo, par le vraiment je suis modèle aux Beaux-Arts aussi, aux arts vivants, donc enfin art vivant, art déco, etc., donc modèle vivant, donc c'était vraiment le regard, le corps et pas la voix pour le coup. Bien sûr, ça n'exclut pas la respiration, parce qu'il faut tenir debout, il faut faire les choses, mais voilà, la voix, je commence à travailler maintenant, mais parce que j'ai pas eu l'occasion, c'est pas un blocage que j'ai ou quoi que ce soit, c'est que ça prend énormément de temps, c'est en fonction des opportunités, mais comme je tiens pas en place, la photo, je commence à en avoir fait le tour, donc c'est la vidéo qui m'appelle clairement, et maintenant que j'ai envie de poser, ce que j'ai envie, tu vois, d'être dans la sobriété, dans la... pas le contrôle justement, mais vraiment l'authenticité du jeu. Enfin, il y a du coup le jeu qui m'appelle en fait. Et donc forcément qu'il y a du texte qui arrive, vraiment, parce que tu peux bien faire des petits yeux comme ça, mais avant vraiment. Et ouais, d'ailleurs. Par rapport aux yeux, bah j'ai regardé un peu toutes les vidéos plusieurs fois là qu'il y a sur ton book, et j'ai remarqué qu'il y avait une adéquation entre les yeux, les jambes et les cheveux. Est-ce que je me trompe ? Alors j'ai l'impression. Alors, une adéquation. J'ai l'impression que. Une équation. D'ailleurs. Non, parce que du point de vue d'un réalisateur, j'imagine qu'on va aller chercher ce qui nous plaît. Pas forcément ce qui est bon, parce qu'on voit bien que des fois certains comédiens ou artistes sont mal dirigés. Mais ce qui nous plaît. Et j'ai remarqué que dans les vidéos, notamment la pub Quechua, on voit beaucoup tes yeux. Il y a beaucoup un travail sur tes yeux, tes jambes et ta coupe de cheveux qui est pas la même qu'aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et donc est-ce que le changement corporel, vu que c'est ton outil de travail, est-ce que le changement corporel c'est une nécessité, ou est-ce que c'est quelque chose, comme tu dis, qui doit être authentique, qui doit toujours rester dans tes possibilités, dans ta... Question trop longue. Non, mais elle a compris. Oui. Le changement, est-ce que c'est une nécessité, c'est ça? Le changement corporel, est-ce que c'est possible, ouais, vu que ton corps est un outil? Oui, dans le sens où, par exemple, je me suis coupé les cheveux. Il y a des grands changements qui changent un visage, en fait, surtout plus qu'un corps. Enfin, sauf si tu prends 20 kilos en 2 mois, mais enfin, c'est pas mon cas, heureusement. Mais en vrai, ou que t'en perds, parce que, voilà, bon. Mais tu te coupes les cheveux, par exemple, oui, ça m'a... parce que c'est une décision personnelle, donc dans ma vie, mais forcément que ça va influencer les gens, voilà, ton l'image qu'ils ont sur toi, change, tes possibilités de boulot changent dans un sens ou dans un autre. Et ça, t'assumes les conséquences, parce que de toute façon, voilà. J'avais une question un peu bête, mais c'est quand même une question qu'on se pose. Quand on est modèle, comédienne, et qu'on a une pub à faire, il n'y a pas vraiment de scénario, mais on se montre, et puis on montre que le t-shirt est beau, et puis on est aussi beau nous-mêmes, etc. Donc on se fait beau, entre guillemets. Est-ce qu'on crée un personnage? Est-ce que dans ta tête, toi, pour une pub, est-ce que tu crées un personnage? Alors, pour toutes les pubs, il y a des scénarios. Ouais. T'es briefé, et en fait, quand tu fais le casting, pour le coup, ils savent très bien ce qu'ils veulent, enfin, souvent. Après, ils peuvent changer d'avis au dernier moment, en fait, un coup de cœur, ce qu'on appelle le fameux coup de cœur, en fait. Ah non, en fait, c'est toi qui dégages ça, et donc ça nous va. Mais en vrai, t'as un brief, mais c'est vrai que c'est des directions assez... parfois qui te laissent la place quand même. Est-ce que tu te crées un personnage? Je sais pas. Déjà, souvent, en pub, il faut que tu aies l'air le plus lisse possible. ils te disent toujours qu'ils cherchent un peu de caractère. Ça évolue pas vraiment, hein. Je suis désolée, les canons de recrutement. Mais c'est vrai que la fille de pied choix, elle ressemble pas à la fille de pied ferme. Et alors ça, c'est bien, ça dépend de... D'accord. Je trouve que, enfin, tu vois, t'es pas la même personne, je trouve, que dans ces deux pubs, en fait. Ou même dans le clip. Oui, alors le clip, c'est différent, c'est pas de la pub. Non, bien sûr, mais... Et là, du coup, on se rapproche plus du court-métrage, et donc là, plus effectivement du personnage. Là, t'as vraiment un mec qui dirige les acteurs, etc. La pub, c'est de l'instantané, c'est des tournages qui sont parfois longs en termes de temps, mais c'est toujours un peu la même chose. Et j'ai pas une expérience en pub incroyable non plus. J'ai fait des pubs qui collaient à mon profil, parce que mon profil, c'est le naturel, justement, le pas trop formaté et compagnie. Donc ça aussi, du coup, c'est l'avantage, je crois, que de pas être passé par trop de boîte à mais en vrai ça colle à mon profil, c'est ça, donc ça va pas me demander un surjeu, parce que le surjeu, ça se voit aussi à l'écran. Donc en vrai, c'est pour ça que je pourrais pas faire la pub Colgate ou des choses en plus j'ai un profil un peu caméléon, et du coup c'est compliqué pour la pub. C'est pour ça que d'ailleurs je veux faire plus de courts-métrages et de clips qui racontent plus de choses, parce que la pub, il y a des codes, des normes qu'on adhère ou qu'on adhère pas, on s'en fout, c'est comme ça en fait. C'est quoi les normes prendre... généralement? Pour une pub française, je pense qu'il y a ils réfléchissent en termes de cible et pas en termes d'émotion, pas forcément en fait, même si le marketing c'est des émotions, on va pas rentrer là-dedans, mais quand même. Du coup, ils cherchent à raconter une histoire, mais je dirais les critères, c'est de paraître un peu normal, en fait. C'est monsieur, madame, tout le monde. Il faut qu'une fille ressemble à une fille, il faut qu'un monsieur ressemble à un monsieur, quoi. Mais je parlais par rapport au poids, par rapport à aux critères de physique. C'est variable parce que ça dépend de la cible. Sur des pubs, ça dépend du produit, en fait. Là, c'est hyper large, et la pub, c'est très large, en fait. Okay. Enfin, mais je pense qu'il faut quand même identifier la pub, c'est identifier tout de suite de quoi on parle. C'est du commerce, en fait. Alors que quand on parle de clips, de courts-métrages, etc., c'est autre chose. On ne parle pas des mêmes choses. Ouais. Pour la pub, tu es payé par rapport au jour de tournage, ou comment ça se passe exactement quand tu crées un contrat? Pour la pub, il y a toujours une partie prestation et une partie droit de diffusion. Donc si tu es projeté sur tous les sur tous les écrans de Chine, de France et de Navarre ou je ne sais quoi, tu as intérêt à regarder en fait la diffusion, la clause et tout. Mais ça, c'est tes agences qui s'occupent de ça, c'est leur travail de négocier au mieux les droits et voilà. Donc toi, t'as un agent? J'ai plusieurs agences et j'ai un agent. J'ai un agent. Par rapport à la pub, par rapport au court-métrage, ça, c'est pour ça que tu en as plusieurs en, ou... pub, ouais. Mode, du coup, parce qu'à la base, j'ai fait photo artistique, après de la mode, et puis après, de toute façon, ça paye pas la mode, donc ça m'intéresse pas. Non, je rigole. Complètement vénal. Non, c'est juste que c'est pas là où il y a de la thune, c'est un milieu très fermé. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'ouverture dans tous les sens du terme. Donc, du coup, et pour moi, hein, je parle, je critique pas du tout le milieu. Je m'en fous en fait, mais voilà. Et donc la pub, par contre, c'est encore autre chose. Et faut savoir jouer à certains moments. Faut avoir fait quand même des choses. Mais comment ça se passe un casting pour une photo de mode, par exemple? Pour de la mode. Ouais. Alors, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous cripez le chignon? Parce que ça, c'est le cliché qu'on a un petit peu. Mais est-ce que c'est moi, je suis plus belle que toi, ou est-ce qu'on regarde les autres? Il y a des choses. Il y a des castings à Paris. C'est des boîtes à casting. Parce que j'appelle ça. C'est-à-dire? C'est en fait, t'arrives et t'as tout Paname dans la salle. Et là, tu fais OK, ça va être compliqué. Ça me fait chier. Donc t'hésites en rentrant, tu hésites à partir parce que tu dis fait chaud. Là après j'ai un concert, qu'est-ce que je fais là? Mais en fait t'y vas parce que t'as envie de bosser. Donc il y a toujours un peu un truc. T'as vu qu'il y avait franchement des meufs. Tu fais bon bah, ok, qu'est-ce que je fous là? Mais en fait elles se le disent toutes aussi. Même celles qui donnent l'impression que non, on est toutes un peu comme ça. Mais après c'est pas une, c'est dans le silence. Enfin je veux dire c'est des choses que tu sens, mais c'est dans l'air quoi. C'est pas Et oui, de toute manière, c'est un milieu où on se regarde. Puisque notre, premièrement, sans critique, sans jugement, c'est ton corps, c'est ton outil de travail, ton regard, il veut dire des choses, donc forcément que oui, tu te regardes. Mais du coup, tu joues aussi là-dessus, et tu regardes pas, et compagnie. Et de toute façon, le casting, ça dure 5 minutes, alors que t'as attendu 1h30, donc... Est-ce que toi, au fur et à mesure, ça a créé une obsession par rapport à ton physique et par rapport à ta beauté, entre guillemets, à ton image? Ou est-ce que t'avais peut-être déjà une obsession, peut-être avant ça? Une obsession, tu veux dire rentrer dans la norme? Souvent, les filles adolescentes ont toujours un complexe. Oui, un complexe, machin. Oui, de toute façon, comme toutes les filles, je suis complexée. Mais en vrai, je me suis plutôt... J'ai vite essayé de prendre le penchant. Je me détache de mes complexes pour être moi. Et si ça plaît, tant pis. Tant mieux. Mm-hmm. Et tant pis. Et si ça ne plaît pas, l'inverse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est si ça me va à moi, j'imagine que ça ira à des gens. Et j'ai nature à faire du sport, donc on m'a souvent dit ah oui mais t'as un peu d'épaule, ou on m'a dit une fois, alors là c'était génial, j'avais 20 ans et il me dit ah mais t'es musclé des fesses, faut faire moins de sport. Donc là j'ai rigolé, j'ai fait bah non, j'ai envie de faire du sport, je vais certainement pas arrêter de... Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu des trucs absurdes, et en fait c'est ta personnalité qui fait que, est-ce que t'acceptes de jouer le jeu à fond, tu te plies à ça? Et finalement, tu finis par être malheureuse, ou alors, effectivement, c'est de l'obsession. Parce que des mannequins, j'en ai croisé quand même un paquet. Et oui, elles ne parlent que de ça. Et c'est pauvre, en fait. Moi, je trouve ça juste pauvre. Et triste. Donc, en fait, voilà. Mais mannequin mode et tout, il y a des codes. Donc, c'est soit tu acceptes de les jouer, soit non. Mais du coup, tu trouves un espèce de truc un peu polymorphe qui s'adapte sans trop s'adapter, quoi. Voilà, je sais pas. En tout cas, c'est ma recette. C'est une vraie force, je trouve, parce que dans ton métier, t'es obligé déjà d'avoir ce recul et d'accepter, toi, le corps que t'as. Est-ce que tu penses l'avoir depuis toujours, cet équilibre? Est-ce que tu penses l'avoir trouvé, ou est-ce que c'est encore un truc que tu travailles un peu tous les jours au quotidien, quoi? Je pense que c'est un travail de tout temps. Après, c'est des paliers et des choses où tu dis « Ah, enfin, ça y est, j'y pense plus. Cool. Okay. » Tu vois. Après, ton corps, quand t'es une femme, il change tout le temps. Enfin, quand t'es un homme aussi, messieurs, ça vous arrivera, la petite bedaine, tout ça. Mais c'est pas maintenant. Mais nous, il change beaucoup. Un corps de femme, il change, il évolue. Ou en tout cas, l'image que tu en as change beaucoup. Et bref, on va pas rentrer dans le truc. Voilà, mais c'est... Et du coup, ouais, j'ai toujours eu ça. Oui, je crois que j'ai toujours voulu m'accepter, ouais. Ça, c'est clair. Est-ce que tu penses que c'est la force des femmes qui tournent beaucoup? À la fois actrice, à la fois chanteuse, à la fois... Au-delà de l'art, en fait, s'accepter pleinement. Ouais, complètement. Ouais. Parce que ça, après, tu tombes dans une vertu de l'exemple, la pédagogie de l'exemple. Et ça, moi, je suis convaincue de ça. Donc, en fait, les gens et la rayonnance aussi qui fait que, du coup, plus tu t'acceptes, plus tu dépasses ça, plus tu... En fait, c'est un peu infini, illimité, quoi. Donc, oui, bah oui. Oui. Bah, bravo pour ça. Bah, écoute, merci. Je continue. Et par rapport aux photos artistiques, comment tu fais le choix de l'artiste? Donc, j'imagine déjà tu regardes un peu ce qu'il a fait avant. Mais est-ce que tu fais confiance aussi aux nouveaux, ou à des personnes qui... Alors, moi, ça fait du coup, donc, ça fait 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans. 2014, oui, c'est 4 ça ans, ouais. 4 ans, que je fais ça. Donc j'ai commencé par plein de shootings avec des photographes plus ou moins amateurs, mais où toi tu... Voilà, comme je disais au début, je suis intéressée par l'image, donc tu regardes évidemment leur book, tu te mets un peu en mode critique. Alors, est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que je juge ça intéressant pour moi, etc. Bon, mais t'y vas, parce que de toute façon, tu peux pas... Voilà. Et ce milieu m'a fait rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes différentes, des humains, en fait, au-delà du photographe, donc c'est chouette. Ou de la photographe. Mais on va pas rentrer dans le... Sauf si t'as des questions sur la relation modèle-photographe, mais c'est un peu long, un peu long. J'ai une copine qui a écrit un super bouquin là-dessus qui s'appelle « Oser le narcissisme » de Florence Rivière. Wow. Je vous invite à le lire. Mais voilà, mais ça, c'est très long. Mais en gros, oui, bah, tu choisis au niveau de l'univers qui te parle. Ça s'appelle des collaborations artistiques, quoi. Mmh. Au début, c'est bien pour te tester, pour voir ce que tu veux, ce que tu veux pas, ce que tu es capable de faire, ce que tu projettes. Parce que moi, tous mes débuts de shoot, il y avait un mood board que je faisais. Avec des photos. Qu'est-ce qu'un mood board? C'est un carnet de tendance, entre guillemets. Un carnet d'inspiration, pas de tendance, pardon. Ah, c'est deux choses différentes. C'est vraiment des repères. C'est des repères visuels, des envies, des idées, de lieux, de choses, machin, de trucs. Et du coup, t'essayes, donc t'as forcément des projections, des trucs et tout. Et t'essayes de faire un peu la même chose. Tu cherches, en fait. C'est de la recherche, c'est de la... processus créatif, quoi. C'est un peu ça. Tu testes. Pour info, ça se fait de plus en plus dans les dossiers quand tu as envie de trouver un prod pour vendre une série. Qu'est-ce qu'un prod? Un prod. Un producteur. Un prod. Ah, d'accord. Pardon. Dans les dossiers de séries, de courts-métrages, de longs-métrages, on adore ça parce que du coup, on est dans la tête du réel, quoi. Ouais. D'accord, bah là. Mais souvent aussi, moi j'ai souvent dans les making-of, tu sais, les chefs-up, qui souvent utilisent des. Un peu pareil, hein, ils ont plein d'inspiration, ils montent au réalisateur, tiens, je te propose ça, est-ce que ça te convient? J'ai vu ça aussi, ça. Pareil. Bon, on en avait parlé dans CQLB, aussi, quand on avait parlé des tendances. Vas-y, tendances, faites la pub. Parce que dans notre podcast, on avait parlé justement de la tendance et que ça a été un peu théorisé et qu'il y a des mélanges et des schémas comme ça qui se répètent. Voilà. Et quelque chose qui fait ça aussi, c'est Xavier Dolan. Oui, il fait plein de choses comme ça, plein de bouquins où il met avec des inspirations, peintures, photos, etc. Et toi, Colin, c'est quoi un peu ton univers? Enfin, tu sais que nous, je t'ai dit en off, je t'ai dit que nous, on venait pas du cinéma, on est juste des amateurs, on aime bien, on aime la vidéo, tout ce qui est les arts visuels et tout, mais toi, c'est quoi ton univers? S'il y a un réalisateur ou un truc comme ça que t'aimes, un film que t'as aimé ou une série ou peut-être même une pub et tout. Moi, je sais qu'il y a des pubs qui m'ont marqué plus ou moins dans ma vie. C'est quoi ton Hollywood truc? Moi, j'aime bien plein de choses. J'aime bien le cinéma français. Ouais. Même si les acteurs sont pas tous bons, je m'en fous. C'est toujours intéressant. Et il y a des très très bons acteurs français, bordel. On a une culture française riche. Je suis française. Est-ce que je peux dire? Bref, est-ce que vous avez quelques noms d'acteurs et d'actrices que tu aimes? Alors, le problème, c'est que je n'ai pas la mémoire des noms. Ah. Donc montrez-moi des visages. Non, je rigole. Le mec qui a joué dans... Franchement, les acteurs français, c'est vrai que c'est souvent des... Est-ce que je peux dire des noms et tu me dis oui ou non? Ah, oui. Juliette Binoche, que je trouve dingue. Vraiment dingue. Bah, elle a dépassé le cadre du cinéma français, même. Elle, oui, bien sûr. Donc, bien sûr, vraiment, elle est intestable. Après, moi, c'est Marielle, que j'adore, qui est un peu vieux, mais que je trouve juste incroyable. En acteur, sans être acteur, mais pour moi, c'est un personnage chez Lucchini. Ouais. C'est les voix, en fait. Moi, je suis très sensible à la voix. Et complètement à la folie du truc, quoi. Le mec est possédé par un truc, quoi. Gérard Depardieu, je suis désolée, c'est un monstre. Ah oui, non, mais t'as pas été désolée ici, en tout cas. Non, mais parce qu'il y a toujours des polémiques et les acteurs, on les englobe de tellement de choses pour des critiquer. Bah, lui, ça va, lui encore. C'est pas non plus. Lui, ça va. C'est... Non, je pense que Thibault est dans la même optique avec Depardieu. Il s'est installé en Algérie, c'est un frère. Boulevard aussi, j'adore. Boulevard, j'adore ce mec. D'ailleurs, Lanvin, j'adore. Quentin Dupieux. Le prochain Quentin Dupieux qui va bientôt sortir. Lanvin, ouais, il est bien. Okay. Lanvin, enfin des mecs. Voilà, il y a un mec aussi qui fait beaucoup de discours, mais je vois sa tête. Mais bon, il est un peu écolo. Vincent Lindon. Nicolas Hulot. Lanvin. Nicolas Hulot, non, merci, je veux plus entendre parler de cet homme. Un peu écolo. C'est pas Lanvin qui va donner sa voix dans les Indestructibles. Le 2. Un beau sourire, bon, je crois qu'il ne faut pas chercher 15 ans, mais. Gérard Lanvin. Ah ouais, énorme. Édouard Baird aussi, on peut Édouard Baird. Carrément. Des mecs qui ouais, ou des nanas bien sûr, mais qui ont vraiment de la présence, de la posture, de la, un charisme. Vincent Lindon là, à mes yeux, c'est le meilleur acteur français là cette année, c'est lui qui a il a enchaîné deux films là, L'Apparition et En guerre. Et Thomas en guerre. Sisley aussi. Lui non. Largo Winch. Mais vraiment Vincent Lindon, il a un level maintenant, ce qui est vraiment bien. Karine Viard aussi. Ouais. Bizarrement, elle a une beauté froide française un peu vraiment particulière, mais j'adore cette femme. Elle est... Maïwenn, j'aime bien ce qu'elle fait, genre le bal des actrices là, que j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai commencé à mourir de rire et d'une très acerbe et tout, mais bon, ça j'aime bien parce que ça montre un peu l'envers du décor sans trop se prendre au sérieux et en même temps, enfin voilà, j'aime bien les films qui t'apportent. Mon roi, j'ai adoré. Un coup de cœur. Ah oui, avec. J'ai adoré Cassel. Vincent Cassel. Et sa copine, quoi. Enfin, ça... J'ai adoré, par exemple. Non Non, il est avec une mannequin. Oui, il est avec une mannequin, mais c'est pas elle qui est dedans. Non, c'est Emmanuel Barco. Ah d'accord, ok, je confonds. Marina Foïs aussi. Ah oui. Ah voilà. Oui, oui. Bon, des gens comme ça, qui racontent pour moi des choses au-delà même du cinéma. C'est que j'ai l'impression que leur personnage, c'est. Ils ont des bagages, voilà, quoi. Ils ont des bagages, ils ont du vécu, ils ont un truc. Bon, voilà. Et sinon, côté réalisation, c'est qui t'inspire Là, pour le coup, alors. Est-ce qu'on est plus dans les années 40, on est vraiment dans 50, 60 ou actuel? Actuel, je sais pas. Ouais, non, actuel. J'aime bien les années 80, je trouve ça drôle. Après, c'est les esthétiques et tout. Enfin. Ouais, après moi j'aime bien les films là en ce moment, j'ai vu pas mal de films étrangers pour le coup. Va, vie et devient par exemple, qui m'a complètement bouleversée. Lion, dans la même. Oh, le chef-d'œuvre, enfin, voilà. Ça. Et par exemple là dans un autre style, Terrence Malick. C'est les meilleures images du cinéma. Tout le monde a. Tu vois, monsieur, bien sûr. Et j'ai deux amis dans le cinéma, une chef d'éco. Et l'autre qui réalise aussi, qui écrit beaucoup, et il y en a une qui déteste et l'autre adore, donc c'est génial parce que je les invite pas en soirée ensemble sinon ça se fout sur la gueule, mais c'est marrant. Donc ouais, non, Terrence Malick pour le côté contemplation et complètement humaniste profond, chelou, dingue, onirique, même j'adore. Dans la réalisation ça se voit, enfin, ils étaient vraiment proches des acteurs, c'était le moment du temps. Donc voilà, ça j'aime bien, mais je regarde pas non plus la masse de films parce que j'ai une concentration qui est pas minime. Qui est minime, tout à fait. Inexistante. Proche de 10%. Voilà. Non, mais voilà, je suis pas. Donc un film de 3 heures, non, quoi. Ou alors tu regardes en 3 théâtre, jours. Théâtre. Mais film, c'est compliqué. Film, ça me fait mal aux yeux, en fait. Donc, les séries, je suis pas trop série. Non. J'arrive pas à parler de séries. À chaque fois, j'ai des potes qui parlent de séries. C'est le nouveau cinéma. Hein. Oui, j'entends. C'est mais ça, moi, j'ai pas le temps de me mettre régulièrement devant un écran et mater ça. Faut aimer le format. Ouais, mais justement, pour quelqu'un qui a une concentration minime, je trouve que justement la série c'est vachement intéressant pour ça. Je sais pas. Après, le problème, c'est que les séries dites qualitatives. Dans la vie, en fait. Les séries dites qualitatives, un peu cinéma, comme t'as dit, généralement, c'est des séries au format américain, c'est-à-dire des épisodes de minimum 45 minutes. Ouais, c'est vrai. Mmh. En plus, Peaky Blinders, c'est toujours moins long qu'un Terrence Malick qui fait 3 heures. Exactement. Il est clair. Mais au moins, tu bouffes un truc. Mais c'est une saison de 45 minutes. Ouais, mais en fait. C'est bien. Les deux sont bien. Les deux formats. Sur la série, un épisode, c'est 45 minutes. Mais en fait. T'as une intrigue propre à l'épisode, donc forcément ta concentration elle est différente. Pas tout le temps. Bah sur les grandes séries. Twin Peaks récemment par exemple c'est pas du tout le cas. Tu vois, Twin Peaks c'est un grand film de. C'est de vraiment particulier Twin Peaks. Ouais, tu vois, Game of Thrones pareil. Game of Thrones chaque épisode a sa propre. Non mais moi c'est intéressant, il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est que on est dans les années 90, il y avait des saisons de 22 épisodes, c'était interminable autant qu'on se dise. On est passé après à des séries de 12 épisodes et puis après on passe à des séries de 6 épisodes et après avec des épisodes spéciaux, des mini-séries. En fait, on revient quand même sur le long métrage au final. On essaye quand même de raccourcir et de faire des choses de qualité. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple la série Versace là, je crois que c'était de Ryan Murphy, si je ne me trompe pas. Ça m'intéresse. Par exemple c'est des genres de trucs où t'as l'impression que c'est un film de cinéma et en fait c'est la télé. Après j'ai pas vu. Je parle juste de la bande. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai que le concept de mini-série est hyper intéressant. Ah oui, True Detective. Luther, même Young Pop. Mais c'était aussi une alternative dans les années 80-90, début 2000. La plupart des adaptations de Stephen King, c'est des mini-séries américaines, alors que c'est un format qui n'existait pas du tout, pas beaucoup aux États-Unis. C'était un peu un compromis entre la série et ce qu'on voulait pas louper du bouquin. La mini-série, c'était bon en fait. Un film, c'était pas assez, et une série, c'était trop. Donc les gens n'étaient pas prêts justement pour manger des séries de 10 saisons et tout. Quand bien même d'autres séries comme des soap opéras étaient là depuis 20 saisons, quoi. Mais Mais voilà, ça va, les consommations ont changé. Juste une question. Donc là, ton objectif là, actuel, c'est vraiment de partir un petit peu et de vraiment faire comédienne. C'est vraiment ton objectif numéro un ou t'es toujours ouverte aux propositions photographes ou... Alors oui, parce que j'ai répondu qu'à moitié à la question de tout à l'heure, quand tu disais choisir l'univers du photographe, tout ça. Je fais plus de collaboration, en fait, parce que, en tout cas photo. Donc là, mon objectif... Parce que t'as eu des mauvaises expériences ou... Non, c'est que ça m'apporte plus, en fait. Okay. Et c'est du bénévolat ou t'es payé aussi, ça dépend. Alors la collaboration, c'est vraiment, c'est gratuit des deux côtés. C'est vraiment pour enrichir le book des deux côtés, tu vois. Et ça, c'est entre les gens pas sérieux, entre guillemets, parce qu'il y en a, mais bon, est-ce qu'on fait une petite parenthèse, balance ton port ? Je sais pas. Non, ça va. Non, mais j'imagine que tu as eu des expériences un peu... Non, je rigole. Quel enfer. Non. Oui, on a des expériences. On peut en revenir peut-être après. Parce après, il n'y a pas de souci. Voilà, mais en tout cas, la collaboration, c'est vraiment gratuit des deux côtés. C'est pour enrichir le travail de l'un et l'autre. Et moi, en photo, j'ai plus besoin de ça, en fait. J'ai pas envie, sauf avec des amis qui sont... Bah, du coup, parce que la photo m'a fait rencontrer vraiment des gens et des très bons amis aujourd'hui. Donc, c'est trop cool. Et donc là, d'accord. Là, je refais un petit shoot parce que ça nous fait vraiment plaisir à tous les deux et c'est chouette. Mais là, du coup, par contre, mon objectif... même si je suis pas cartésienne en mode plan de carrière, je pense que oui, j'ai vraiment envie de faire des courts-métrages et de bosser avec des réals, des équipes en vidéo qui ne sont pas les mêmes qu'en shooting photo, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en vidéo, je trouve ça beaucoup plus carré, où chacun a un poste très précis. En photo aussi, tu vois, bon, s'il y en a qui m'entendent, bon. Mais en vidéo, moi je le sens sur les tournages, c'est beaucoup plus carré parce qu'il y a du son, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Donc il y a une concentration que je sens nettement supérieure qu'en photo. Enfin, je sais pas, il y a une dispersion qui est beaucoup plus rapide qu'en vidéo. Donc, j'ai envie d'aller vers des choses. Et tu parlais de théâtre tout à l'heure. Donc, le théâtre aussi, ça te tente ? Le théâtre, ça te fait un petit peu plus peur ? J'adore en tant que spectatrice. Moi aussi, je vais faire ma pub. J'ai un site avec des articles okay, vas-y, sur prie. Le spectacle vivant et tout. Ah, je t'en prie, elle. Place-en une pour leur Instagram. Jérémy, à nous aussi, on était invités. Et du coup, voilà, donc en tant que spectatrice, j'adore ça. Donc vous pouvez aller voir mon site Cléa Mosaïque. Mais en tout cas, le théâtre monté sur les planches et tout. Ouais, je tremble un peu. Non, ouais. J'ai pas spécialement envie. La danse, oui, sur scène. Mais sinon, le texte, le jeu, c'est vraiment plus côté cinéma, quoi. C'est directement passé par le théâtre, je sais pas. Moi j'ai une question, quand on regarde ton Facebook, quand on regarde un petit peu tout ce que t'as fait, on a l'impression que t'as fait 1500 choses. Autant que y a énormément de... Non mais c'est vrai, il y a énormément de photos, il y a énormément je de... Je m'épuise toute seule. Non si mais tu quand, comment tu fais ? Est-ce que tu arrives à gérer ton emploi du temps ou des moments il y a des trous, il y a des creux et puis on t'appelle beaucoup ou c'est toi qui appelles beaucoup ? Comment ça se passe exactement ? En fait déjà ce milieu, c'est un jeu sur l'image. Donc c'est-à-dire qu'on est... Enfin moi et moi la première, j'ai pas de... Je m'amuse à... On donne tous l'impression de quelque chose et d'être occupé. C'est des métiers où, en fait, je me rends compte que tu as des grands trous où tu n'as rien et tu as des grands trucs où tout s'enchaîne. Et c'est une question d'énergie, j'en sais rien, mais de quand tu n'es pas dispo, c'est là que ta bookeuse va t'appeler en mode « t'as un job, t'as un casting ». Non, foutez de ma gueule, je suis pas... Et j'ai pris mon billet, enfin, c'est un peu relou. Et donc, tu es un peu tout le temps en train de jongler, tu es organisé, oui, mais c'est surtout, tu dois être disponible. Moi, cette année, j'ai été full dispo pour ça. Tu attends au début les bras croisés, les bras ballants, puis après, tu te bouges parce que sinon, tu pètes un câble. L'inaction dans ces milieux-là, ça rend ouf. Donc, faut gérer, faut avoir d'autres choses à côté. Pour gérer juste ça, et effectivement, gérer ton image pour donner l'impression que tu bosses tout le temps et que et tout le monde le fait en fait. Et moi, j'ai pas de tabou avec ça. Et ça, je précise un petit peu. J'insiste un peu là-dessus parce que jouer de son image, c'est pas tabou et c'est important en fait. Parce que ce milieu-là a tendance parfois à soi-disant empiéter sur ta vie privée parce que c'est ton corps, c'est toi, donc c'est ta vie. Bah non, mon Instagram, c'est pas ma vie. Mon Facebook, c'est pas ma vie. Ça donne des choses, ça donne des visions d'eux, mais c'est pas ma vie. Donc, en fait, tu utilises les réseaux sociaux pour choper du boulot et puis. Bien sûr, parce que c'est une honnêteté, faut avoir cette honnêteté-là. Et il y a beaucoup de gens qui mélangent égo et voilà. Et j'ai aussi de l'ego. On a tous de l'ego. On a tous envie de faire des choses et tout. Mais faut être tranquille avec ça en fait. Je crois. Faut le prendre avec du recul et un peu de. un peu de, pas de la jalousie, pas, enfin moi je suis pas là-dedans en tout cas. J'ai pas ça. J'ai envie de faire, je fais. Voilà. Est-ce que tu sens qu'il y a une solidarité entre les gens qui galèrent entre guillemets pour trouver du job, des copines qui t'appellent, des copains qui te disent oui on a un plateau, viens faire une tête, viens faire une figuration, viens faire. Est-ce que la légende du carnet d'adresse elle marche en vrai? Oui je pense oui. Je pense qu'il y a des choses qui me reviennent. On ne sait jamais quand, pour qui, pour comment les gens ont vu, quel ricochet ça a fait avant d'arriver à toi. Je crois qu'on ne maîtrise pas toujours. Et ce n'est pas toujours ce que toi, tu veux montrer qui va marcher. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, il faut se détacher. Parce qu'il y a les choses arrivent, elles surgissent quand tu ne t'y attends pas en plus. Donc oui, bien sûr, le carnet d'adresse, ça joue sans se vendre à tout va, sans être... Il y a aussi un mythe de « il faut se montrer ». J'ai des amis qui me disent « il faut aller dans les soirées, dans les trucs de court-métrage, il faut se montrer, il faut machin ». Attends, on est 10 000 sur Paris. Si on fait tout ça, on fait la pute en fait. Et moi, j'ai pas trop envie. C'est chiant. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens complexés par ça aussi. À devoir se vendre, à devoir tout le temps montrer que t'es au taquet, machin. C'est épuisant. Et c'est pas la vie. Et ce milieu, il pousse à ça et en même temps, pas tant. Si tu te noies pas dans cet écueil, tu peux y arriver quand même, je pense. C'est que mon avis. Hein. Ah, parce que beaucoup de... Quand tu regardes les interviews des grands acteurs, grands artistes, ils disent toujours, bah, y a un moment, tu rencontres la personne, voilà. C'est beaucoup de népotisme, en fait. Donc, nous, on sait pas vraiment, vu qu'on est extérieur au truc. C'est intéressant de savoir la vie, donc toi tu dirais plus que c'est vraiment faut s'arracher mais pas trop, pas faut pas non plus vendre son cul comme entre guillemets, c'est clair. Et surtout faut, je sais pas, faut laisser le temps au temps aussi. Il y a aussi cette immédiateté, ce côté caprice un peu, je veux ça, faut y aller, c'est les ambitions, et tout se mélange en fait un peu rapidement. Et oui, il y a des moments où tu as envie de tout défoncer. Tu te lèves le matin, tu dis « Ok, là, je vais conquérir tous les agents de Paname. Je vais les appeler, je vais faire machin, je vais leur montrer que je suis ici, je suis ça. » Mais enfin, tu n'es pas obligé d'aller dans un extrême ou dans un autre. Je me reclus, je vois personne. De toute façon, je suis une merde et puis vous êtes tous... Bon, il y a un équilibre à trouver, quoi. Et parce qu'en plus, le démarchage, c'est une chose pour pouvoir bosser, pour pouvoir faire des projets. Et puis, il y a l'essence même du métier, je pense... qui est de créer en fait, d'avoir des choses à dire, d'avoir envie de le dire, d'y croire, c'est un mot super important. Et ça, c'est transversal à tous les milieux, mais quand tu y crois plus, ça se ressent. Faut de la confiance, et elle est fragile. C'est pas de la foi, c'est de la confiance et de l'envie. L'envie avec un grand E, elle est fragile, et ça, faut la préserver, mais faut se connaître pour ça et jongler avec ça, c'est pas évident. Est-ce que parfois, j'imagine que au fur et à mesure de tes expériences, t'as acquis une certaine, pugnacité. Donc, ça veut dire une envie de continuer, tu sais ce que ça veut dire. Sinon, il y a un dico dans un lycée. mais est-ce que tu penses pas que pour certaines personnes qui commencent elles vont se dire j'ai envie de faire ça, alors qu'au bout d'un moment, grâce à l'expérience, peut-être t'as cette fibre de te dire il y a des trucs qui sont pas faits pour moi. Alors j'ai de l'expérience vraiment en photo, comme là on parlait de mon objectif, je suis à ta question, j'entendais vidéo et là j'allais te dire je me sens tout bébé dans le court métrage, le truc, même si sur le carnet Facebook j'ai je sais pas combien de réals et machin, je suis personne et personne me connaît, quoi. Mais en photo, pour le coup, oui. Et ton expérience, de toute façon, elle t'est propre et elle te traverse, donc oui. L'envie est de continuer et de plus savoir ce qui te correspond. Est-ce qu'il y a des trucs que genre tu te dis mort, ça je peux ça, pas. Ça c'est sûr. Ah ouais. Ah bah oui, mais heureusement. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour savoir où aller? En fait. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si t'as vu, mais il y a beaucoup d'artistes qui font tout et n'importe quoi. Ils chantent, ils font des films, ils font des artistes. C'est à l'américaine en même temps. Les Américains, c'est très français, effectivement, on veut te mettre dans une case. Non, mais du coup, c'est vraiment une réalité qui peut, toi, te faire te sentir j'ai pas le droit de faire ça et ça et ça parce que je me disperse. Bah non, effectivement, tu vas aux États-Unis, putain, les gars, ils font tout. Ouais, mais des fois, c'est un peu faisandé. Parfois, c'est un peu du fake. Encore une fois, mais si c'est ta nature, pourquoi on devrait se restreindre? Pourquoi on devrait voilà. Et puis de toute façon, je crois aussi qu'il y a un truc qui prend le dessus à un moment donné. C'est que la vie, elle est quand même longue. Elle est précieuse et courte, d'accord, mais elle est longue. C'est-à-dire que tu as des envies qui s'éliminent toutes seules, en fait. Dire, bah non, en fait, là, ça marche pas. Je vais pas perdre de l'énergie là-dedans. J'ai fait de mon mieux et je fais... j'ai fait un peu ce qui était nécessaire. Voilà, ce qu'on m'a dit de faire, je le fais, ça marche pas. Bon, je vais pas... m'obstiner bêtement. Mais si l'envie, elle est toujours là, faut s'accrocher. C'est des milieux où faut s'accrocher doublement, je pense. Mmh. J'ai une autre question encore sur l'amitié. Parce que souvent, on est dans une génération où il y a beaucoup de bandes au cinéma et puis même ailleurs. Il y a la bande Louche, il y a la bande Fifi. Non, mais c'est pas une... non, mais en plus, on rigole, mais c'est vrai, c'est une bande. La pire des bandes. Ils sont très solidaires entre eux. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui fait un film, ils l'appellent. Est-ce que toi, t'es dans cette perspective aussi où tu te dis, mais en fait, il faut aussi que je me fasse quand même des amis solides, de confiance. Ou est-ce que t'es solo et tu fais, voilà, machin. Moi je peux partir dans un autre pays pour faire un court métrage et je pars à l'aventure. Ou j'essaye aussi d'avoir des... Ben, je sais pas, dans le sens où moi j'ai pas, comme je te disais au début, j'ai pas fait du théâtre à 2 ans, puis je suis rentrée au conservatoire, puis j'ai fait l'école machin, puis j'ai fait un masterclass. Oui, mais t'as dû rencontrer des gens là, avec tous tes projets, j'imagine. Oui, mais du coup, j'aime bien... Ben, moi je me pose parfois la question si c'est un temps, si ça va durer... Tant que j'ai envie et que j'ai envie de faire des choses, je le fais, mais j'ai d'autres choses aussi à côté que j'essaie de développer et que je développerai, que je sais pas que j'essaie. Parce que tu as dit que tu as fait des études, tu as fait quoi comme études? J'ai fait un master en conduite de projet culturel. D'accord. Donc l'envers du décor en fait, du coup, production, programmation, tout ça, qui du coup est aussi un autre domaine avec tous ses codes et ses difficultés et ses réalités, mais... C'est aussi... et tout sert à tout. Parce que, voilà, du coup, moi, avec 4 ans d'expérience, là, j'en suis un peu au moment où je me dis que devant l'objectif ou sur la scène, si on peut prendre la métaphore, et derrière, en coulisses, les deux sont hyper importantes pour comprendre, en fait, comment un peu tout ça, ça se passe. Et c'est intéressant, en fait. Mais c'est du coup, là, tu fais que de l'acting et de la... Non, du coup, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on parlait de dispersion et d'étiquette et tout. Une semaine, c'est vachement court pour pouvoir faire tout. Donc c'est des périodes où tu dis, bon là je me concentre un peu là-dessus, je laisse tomber, et puis de toute façon, en photo en tout cas, on m'appelle et ça roule tout seul. Après pour le côté vidéo et jeu, c'est moi là où j'en suis dans la phase où je dois bosser mon jeu, donc faire des stages. Cet été je fais un stage à l'école du jeu par exemple. Je me donne un peu les moyens de me confronter en fait. Pas juste me dire dans un coin, oui, un jour je ferai des courts-métrages. Non, enfin, faut se bouger le cul, sinon... et faut... Voilà, donc je prends des cours de diction, de choses, enfin, voilà. Mais en tout cas, la question sur la bande de l'amitié, c'était... Donc je te disais, comme tu as eu beaucoup d'expérience... Oui, un réseau, oui. Mais le côté photo, ça roule un peu tout seul. On m'appelle, okay. Je fais 2-3 photos, ça va, on m'appelle. Mais la vidéo, c'est un tout autre réseau en fait, et c'est des choses. S'il y a de l'amitié qui se passe, l'amitié sincère qui arrive, oui, bah je pense que c'est intéressant. Et de toute façon, tout seul, tu fais rien tout seul en fait. C'est comme sur un plateau, tu vois bien que si t'es tout seul sans caméra, il y a pas de film et compagnie. Et j'aime bien cette notion d'effervescence et d'équipe, tu vois, un peu pluridisciplinaire, pour utiliser un grand mot. C'est ça en fait. Chaque corps de métier. Au service de quelque chose de plus grand, c'est vachement bien. Et qu'est-ce qui t'aide à avancer en fait? Est-ce que c'est le soutien de la famille? Est-ce que c'est les projets qui s'accumulent? Ou la passion? Ou est-ce qu'il faut faire un travail psychologique en fait, quasi spirituel? Je pense que c'est comme tous ces métiers qui parlent d'intérieur et tout, c'est quelque chose où on parle de respiration, on parle de trip et tout. Il y a un truc de... Et puis plus tu t'écoutes et tout, plus tu sens que tu as des choses en toi. Il y a un côté un peu... je pense que tant que j'ai des choses à clarifier, tu vois, je sais pas, c'est un exutoire, mais sans être dans l'épanchement d'état d'âme, tu vois. Mais il y a un truc de... En fait, ouais, tu as des choses à dire et à formuler, à épurer pour régler des choses, peut-être. On en a tous. Enfin, c'est juste que nous, on essaye de... Peut-être on ose les mettre un peu plus en avant, et voilà, tu joues avec les émotions, et plus tu donnes, plus c'est un peu un puits sans fond. Donc tant que tu as des choses à dire, tu les dis, sinon tu te tais. Et j'aime beaucoup le silence, même si là je parle beaucoup. Et du coup, tu as eu des moments où tu t'es dit, ok, c'est bon, là je fais que ça, ça va être ma vie, et j'arrête le reste. Ben, le truc, c'est que là, moi j'ai fini mes études en juin dernier. Je devais partir en voyage en Argentine et je ne pars plus. Ah merde! Non, c'est une très bonne nouvelle. Ah, oh, c'est bien l'Argentine. Il y a des enlèvements et tout. Je ne suis pas fait. Voilà, c'est facile de dire oui parce que tu as eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Pas du tout, puisque c'est un projet que j'avais potassé toute seule dans mon coin depuis bien longtemps. Et en fait, le format me convient plus. Je devais donner des cours de français dans une université. Et en fait, ça ne me plaît plus, dans le sens où j'ai envie d'être dans le moment présent. Chez moi, c'est la France. Donc oui, la vie d'expat, tout ça, les fantasmes, blablabla. Mais ça, c'est le fantasme de l'herbe qui est plus verte ailleurs, alors que c'est pas du tout vrai. C'est tout à fait ça, et en fait, du coup, je sais pas si c'est la maturité ou j'en sais rien, je veux pas utiliser de grands mots, mais juste, je le sens plus. Et je le sens pas. Il faut assumer, et c'est pour moi, c'est du courage, et c'est pas de la lâcheté du tout, de dire, bah non, en fait, je reste ici. Oui, Paris, il y a plein de trucs qui te renvoient, machin. Bon, bah, faut essayer plus. Faut être là, et tout le temps, on est dans la dispersion. Notre génération, on est quand même bien les champions du monde pour ça aussi, quoi. Je trouve c'est un peu générationnel. Et donc, du coup, bah, je me suis peut-être plantée de génération, mais bah, je m'en fous, je suis là, et c'est cool. Et en tout cas, je reste là. Et donc, du France. Coup, je fais. Et puis la France, amen, je vous ai compris. Non, mais juste, je fais moi, ça, je fais ce qui est possible de faire. J'ai le soutien de la famille, j'ai mes amis, j'ai des très bons amis qui sont. Il y en a certains qui fantasment sur ce que je fais aussi, tu vois. Oh, mais toi, t'es une artiste, mais toi, machin. Ok, d'accord. Bon, je suis plein de choses, comme on est plein de choses, en fait. Et ouais, je fais que ça, j'essaie d'être sincère dans ce que je fais, surtout. Et faire, pas fantasmer. Est-ce que l'écriture, c'est un truc qui t'intéresse? Oui, oui. Tu peux. Ok. Genre, quel style d'écriture? Ça veut dire, je vais pas continuer la conversation. Quel style d'écriture? Là, je vais partir. quel style d'écriture? Moi, des chroniques un peu, du coup, pour tout ce qui est un peu article, tout ça. Après, des textes plutôt des pensées. J'aime bien l'écriture automatique, choses. Pareil. Mais du coup, proche de. Comme je suis très visuelle, les mots c'est toujours un reflet de ce que je vois, mais en fait à les relire, bah tu vois encore d'autres choses. Donc je sais pas, j'essaye de structurer, j'essaye. Mais c'est épars. C'est un peu ça. Ça parle de portraits, c'est des portraits en fait. Je veux voir des. C'est toujours inspiré de faits réels. Je suis quand même très accro à la réalité parce que je trouve que le théâtre il est dans la rue, il est pas forcément théâtre de, tu vois, de Chicago. Il est partout en fait, si tu vois le truc partout dans le détail et dans les gens, il y a des choses géniales et voilà. Donc l'écriture, oui, de choses que je ressens très fort et de ce que je vois et des gens que je rencontre, ça c'est sûr, qui m'inspirent des trucs. Et tu te vois à terme écrire pour toi, pour jouer peut-être? Écrire un rôle pour toi, peut-être. C'est un peu, un tout petit peu, ce qui est en train de se profiler pour cet été. Mais c'est le coup de théâtre. C'est ça. Non. Du coup, c'est, je sais pas. On n'a pas de lieu encore, mais avec un ami comédien, on va essayer de faire un projet vidéo qui va mêler de la danse et du texte. Et donc, ça sera nos textes. Donc, ça va être un peu on va travailler sur la discussion, la conversation. Donc forcément, ça va être des dialogues ou des pensées, des rêves, des un peu des choses. On va travailler un peu sur l'absurde, forcément, parce que voilà, la conversation, qu'est-ce qu'une conversation, les dialogues de sourds, tout ça. On va travailler un peu là-dessus. Donc oui, bah du coup, je vais écrire. Et du coup, lui, il est d'un niveau. Ses pièces de théâtre tournent déjà, donc en jeune public. Et lui, il a 35 ans, je pense, et donc il n'est pas au même niveau que moi. Et ça me fout une pression de ouf et un challenge qui est vraiment très intéressant, qui est trop cool, qui me bouge vraiment. Et c'est bien de bouger, de se dire, de pas ronronner dans le. Moi, j'aime pas l'entre-soi et j'aime pas stagner. C'est chiant, et être tiré vers le haut. Et, en tout cas, avoir cette impression-là, j'aime bien, quoi. Et être entouré de gens plus âgés, forcément, ça aide un peu, parfois. Parfois. Donc, voilà. Parce que t'as quel âge, en fait ? J'ai 25 ans. Ah, okay. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le métier de comédien, comédienne? C'est être quelqu'un d'autre? Ou c'est la performance? Ou tu sens qu'il y a quelque chose quand même en toi? Ou tu sens que c'est ton truc? Comment ça s'est... Parce qu'au départ, c'était pas ça, entre guillemets, ton objectif. Et puis au fur et à mesure, t'as compris qu'il y avait quelque chose qui te touchait dans ce métier-là. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière ou quelques raisons? Ouais, c'est bien formulé. Il y a quelque chose qui me touche dans ce métier-là, effectivement, parce qu'il y a des gens, ils veulent absolument pas devenir comédien. Par exemple, moi, je prends mon exemple, je me vois absolument pas sur scène, et je pense que c'est vraiment une passion et même quasiment un don de temps en temps. Où tu parles de Lucini et moi, je parlais des deux repères. Ils ont des dons, qu'ils soient dans un bar ou sur une scène de théâtre, ils peuvent aller partout. Ils sont tout le temps, c'est clair. Ils vivent, ils dorment. C'est de l'entièreté. Bah, je pense que c'est effectivement lié à ton authenticité, à ce que tu es dans la vie aussi, c'est forcément lié. Après, ça peut être plein de choses. Après, bon, moi, je pense que c'est... je sais pas, ouais, me rencontrer, mais à travers effectivement des personnages ou des sentiments, des émotions, jouer avec ça, parce que je me prends pas du tout au sérieux, et en fait, je me prends pas au sérieux. Donc du coup, je trouve ça chouette d'essayer d'incarner des choses, mais sans aller, tu peux jamais, par exemple, jouer quelqu'un qui n'est pas de enfin qui te colle pas du tout à la peau, c'est impossible. Enfin, tu vois, je vais pas faire du mime, du masque. Enfin, moi, je sais pas du tout mon truc. Je préfère être dans des rôles et j'ai envie de travailler à ces rôles-là, plus réalistes. Pas du théâtre en costume, pas des choses qui vont être complètement trop éloignées de moi. Je me sens pas. Mais par moment, t'as des transformations physiques aussi. On parlait de ça maquillage, tout à l'heure. En photo. Si. Encore une fois, moi là, je suis vraiment encore à l'état de photo, au début. Mais oui, t'as des transformations, mais c'est toujours toi en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'image, c'est que. Une image, après on peut mettre tous les mythes que tu veux, ton image c'est quand même toi, c'est ok, c'est ton enveloppe et tout, mais je veux dire, c'est toi, t'as le droit d'en jouer et tu fais bien ce qui te chante avec ça. Du coup c'est chouette en fait, c'est intéressant, tant que ça te perd pas, et même si ça te perd, enfin on s'en fout quoi. Je sais pas, c'est transcender un peu ça en fait, qui tu es, ce que tu fais ici, tout ça quoi. C'est un peu ça en fait. Quelqu'un a encore une question ? Où j'ai posé encore. Ouais. J'ai une question qui est-ce que ta vie hors de tout ton professionnalisme, etc. Tout ça, qu'est-ce qui t'apporte en fait dans ton métier hors du métier lui-même, tu vois. Est-ce que tu pratiques par exemple, je sais pas, un sport ou quelque chose qui te voilà. Moi je sais que je pratique les arts martiaux depuis beaucoup d'années et ça m'aide, ça peut m'aider dans tout et ça m'aide dans mon métier. Carrément. Quoi. Bah, je suis convaincue, comme toi, que tout sert à tout. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne sais pas si c'est français ou quoi, je vais arrêter le discours nationaliste à la con. Mais en fait. À la con. À la con, carrément. Ah bah d'accord. Non, mais en fait, on a toujours tendance trop à voir les choses en petit, en serré, mais en fait. Si t'as fait de la danse, toujours même amateur, moi je crois beaucoup à la pratique amateur par exemple. T'en as fait toi de la danse ? Oui, j'ai fait de la danse, j'ai fait là une création de danse contact. Donc carrément une danse que j'avais jamais faite. Ça se tape quoi. T'es pas loin. Non, c'était Corps Constellaire de Sylvère Lamotte, qui est une création que vous pourrez voir en novembre, je vous enverrai une place. C'est une pratique amateur, mais tout sert à tout. C'est-à-dire que tu fais ça. Là, d'ailleurs, c'est une création. On est 22, par exemple. Il y a tout. Il y a des profs, il y a des. Parce que t'as un projet danse là, donc la danse, ça va te servir. Enfin, forcément, c'est pas par hasard. Ça sert à tout. C'est juste tellement pour eux que, en fait, et puis ça forge ton corps, ça forme des trucs, des réflexes, des attitudes, des postures qui font que c'est super, en fait. Bah oui. La polyvalence autodidacte, quoi. C'est un peu ça. Et en même temps, tu peux pas tout faire. Tu peux pas faire tout bien. Non. Mais en fait, je sais pas si on te demande de tout faire bien à chaque fois quand tu vois la réalité. Après, je suis pas sûre. En fait. Tu fais de ton mieux, quoi. Tu fais de ton mieux et un peu de chance, un peu de culot, tu peux faire des choses. Ça dépend de tes ambitions, mais encore une fois, moi, je me prends pas au sérieux. Et si demain ça s'arrête, bon bah, je trouverai un boulot, je sais pas où, et puis je le ferai. En fait, on s'en fout. Du moment que t'es bien et que tu t'es en honnêteté et en reconnaissance, en fait, ça va. Est-ce que la célébrité, c'est un truc qui t'attire ? Je m'en fous. Je suis pas bling bling, j'arrive pas. J'arrive pas en ma vie. En tant que modèle, c'est un truc qui est très drôle. On m'invitait à des soirées des mecs, en fait, des mannequins mecs, qui pour eux, c'est plus difficile de bosser parce que les mecs. Ah bah, ils gagnent que dalle et tout, ces mecs-là. Parfois, je connais des potes qui faisaient ça et ils gagnent. Enfin, par rapport aux femmes, en tout cas, c'était pas trop. Après, ça. Moi, je connais des mecs, t'inquiète pas, qui négocient très bien leur certains, tarif. Ouais. Et que le côté mec est. Peut-être un peu aussi plus pris au sérieux en mode c'est ça, c'est pas. Oui, il y a peut-être qu'ils profitent que. Oui, d'accord. Et justement, parce que peut-être ils bossent moins qu'ils sont au taquet, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et donc plein de mecs qui se retrouvent à faire. Je vais employer un mot soft. Recruteur de belles meufs pour des soirées. Et rabatteur. Du coup, et là, c'est trop drôle. Moi, je comprenais rien. On m'envoyait des messages sur Facebook. J'ai dit c'est qui lui, je le connais pas. Et en fait, ils voulaient me recruter pour. Des soirées arrosées dans des clubs de Paname quoi, et je fais mais non en fait parce que je bois quasiment pas d'alcool, je m'en bats les couilles d'être payé en alcool, enfin ça va. Ah c'est ça en plus le truc, c'est que tu viens c'est de la mondanité, c'est de la mondanité, et si tu viens à une table machin mondanité beau, enfin excuse-moi, enfin je suis désolée, c'est pas artiste en tout cas, mais c'est du business ni plus ni moins. Lui il touche sa com parce qu'il a ramené des poufs et voilà, c'est tout. Oh je juge pas les filles, hein, pas du tout, mais Mais un peu quand même. On sent dans ta voix le jugement. Non, il n'y a pas de jugement, c'est juste un peu un truc que je comprends pas en fait. C'est incompatible. C'est incompatible avec moi. C'est vraiment le mot, c'est ouais, ça. C'est qu'en gros, je m'en fous. C'est une perte de temps. Voilà, c'est une perte de temps, c'est marrant. Si tu te prends une fois pour pas te prendre au sérieux, tu y vas avec une copine bon, qui est plus là maintenant, elle est en Australie, mais on s'était dit, viens, on y va. Ouais, elle est très cool. Sportive de malade. Elle, elle a pris des fesses, donc elle peut plus faire du mannequinat. Mais bon, elle est très heureuse là-bas. Je crois que c'est un truc qui t'a beaucoup marqué. Non, mais ça m'a fait rire. Surtout, j'ai failli partir en courant en mode attends, désolé, j'ai mon footing. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire ? On s'était dit, on va y aller pour rigoler pour une soirée, mais en fait, c'est de l'ordre de l'expérience, mais tu fais pas ça. Mais bon, il y a plein de petits trucs comme ça, un peu marrants. Mais c'est un business, les mecs se font ça. J'ai deux questions. Une, un peu tabou, et la deuxième, un peu sympathique. Je commence par laquelle ? Tabou ? Allez, la tabou, parce que... La drogue dans ce métier. Essaye. Comment ça se... Non, mais c'est... Non, mais c'est... Quand il l'a dit, Jean-Jacques Bourdin. J'adore la drogue dans ce métier. Vas-y, balance. La drogue dans ce métier. Non, c'est vrai. Tu nous dis tout. Les yeux dans les yeux. La drogue. Allez, ça, on est juste entre nous. Allez, c'est tout. Il y a quand même... On a cette image qui colle... On dit pas non. Au modèle photo ou même au mannequin, etc. Je pense, mais je pense que c'est vraiment... Le mot expérience, il est utilisé à tort et à travers et à tort et à raison, tu vois, mais je pense que des soirées mondaines, voilà, après c'est... Je pense est-ce que c'est un problème? Est-ce que t'as vu des copines à toi ou des collègues entre guillemets de ton métier et tu te dis merde, mondanité. En fait, c'est souvent lié à la jeunesse en fait aussi. Hein. On a beau dire, mais l'inexpérience et du coup le côté à Paris, j'ai vu ça une fois via un mec. Qui en fait c'est un peu louche quand même, je trouve, de faire venir, enfin il y a plein de mannequins qui arrivent à 16 piges parce qu'elles sont des bombes des futurs c'est super, elles sont repérées, elles arrivent en masse et tout, il y a pas de boulot, mais on les envoie sur des free tests tout le temps, toute la journée. Elles sont loin de chez elles, elles sont dans des apparts en coloc, enfin comme nous d'ailleurs européennes, on nous envoie en Asie, enfin c'est exactement pareil. Enfin, presque. Mais forcément que ce milieu, il y a de la drogue. Mais en vrai, c'est surtout pour pallier à l'ennui, à l'attente, aux espèces de flux comme ça, et à l'expérience. Parce que c'est fête, parce que c'est l'ego, parce que c'est stylé, en fait. Parce que c'est un mood, parce que t'es là pour vendre du rêve aux gens, et t'es censé ouvrir, tu vois, et paraître sans tabou, parce que t'es censé avoir de la présence. C'est, je pense, mais de toute manière, c'est mon avis sur les drogues, c'est que c'est génial quand tu le fais pour des bonnes raisons. C'est social, toi. C'est social. C'est, dans ce milieu, c'est comme social. C'est la liberté. C'est, la liberté. Comme la France. C'est... Ouais, on va rentrer, Oui, on est quand même un pays libre. Ouais. Je te pose la dernière question. Est-ce que tu suis toujours ton rêve d'enfant ? Ton rêve d'enfant, c'est même. Là, j'ai envie de pleurer. Non, c'est vrai. Est-ce que c'était déjà ton rêve d'enfant de. Non, voilà. De devenir comédienne. C'était quoi ton rêve d'enfant ? De toute façon, ça n'avait rien à voir. Et c'est encore faisable de le faire. En fait, déjà, je suis encore un enfant. Oh. Du coup, et ça, j'y tiens. Du coup, je pense que j'ai pas un rêve. Enfin, disons que c'est un truc flou. Et c'est plutôt un état d'être, tu vois. Tu as une ambiance, un mood dans ton corps. Donc, c'est cool. Et oui, pour l'instant, je suis équilibrée en fait. Équilibrée avec toutes mes folies et tous mes trucs, et c'est cool. Mais c'est pas que moi, qui a un rêve d'enfance, tu sais. Oui, mais on a toujours un objectif quand on est gamin. T'en as eu un ? Ouais. Bah en fait. Et je le réalise là. Moi aussi, j'ai l'impression de le réaliser. C'est-à-dire que. C'est de rester un peu sauvage en fait. Ouais. Sauvage et pas. Ouais, c'est un peu ça. Et en même temps, il y a plein d'envers du décor à ça. Mais en fait, c'est le truc, c'est... Ne pas être dans le moule, quoi. Ne pas être dans le moule, mais c'est pas... La liberté, pas, quoi. Ouais, c'est un peu un mythe de liberté, ouais, je pense. Mais c'est pas un truc... La France. Quel enfer. Mais c'est pas un truc, je sais pas comment dire, militant. Ouais. Je m'en fous. Je suis pas féministe, je vais pas dans la rue faire des manifs pour les profs, même si j'adore l'éducation et compagnie. C'est un truc, non mais tu vois, j'ai l'âme militante et tout ce que tu veux, mais surtout apaisée en fait, tu vois. La flemme. Pas la flemme, genre le truc de ça va bien se passer en fait, parce que je suis convaincue que les gens savent vivre ensemble quand ils mettent un peu du leur en fait, c'est tout. Mais ça, c'est d'autres convictions. Mais voilà, donc mon rêve d'enfant, il participe. Tout ce que je fais, j'essaye de participer dans ça, d'être dans le non-jugement, d'assumer si je suis en colère et voilà, et si je suis bien et c'est tout quoi. Et qu'on respecte ça, c'est l'idée quoi. Tu l'harmonie, suis tes envies quoi. Et tu suis ouais, l'harmonie, ce que tu ressens. L'harmonie, ouais. C'est un peu l'harmonie. C'est un but de vie, hein, ça existe. Une ambition en soi. Un mode d'existence. Ouais, c'est un peu ça. Bah, merci beaucoup Colin pour cette interview. On fait une petite pause parce qu'il fait tellement chaud. Ouais. Et puis on se rejoint tout à l'heure pour Ocean 8, Hérédité et Désobéissance. Petite critique de tous ces films, d'accord ? Ça roule. À tout à l'heure.